107.0 RGM Radio Gémozo, ta radio locale préférée. L'émission autour de vous avec Laura sur Radio Gémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je suis avec Julia. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, bien et vous ? Ça va très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Donc moi je m'appelle Julia, je suis la maman de l'ancien mystique manoir de Dame. C'est un manoir de 1900 qu'on restaure depuis bientôt 3 ans. Et qui fait chambre d'hôtes, salon de thé mensuel et événements divers. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette folle aventure ? Oui, ça c'est un rêve de toute petite fille. C'est depuis toute petite, je voulais avoir un château ou un manoir. Et au fil des temps, on a pas mal déménagé pendant un peu plus de 10 ans, un peu partout en France, pour trouver le lieu qu'il nous fallait. Et on est tombé par hasard devant ce manoir-là, pendant une balade à moto, et on a eu un énorme coup de cœur. Et 2 semaines après, il était en vente, donc on s'est dit que c'était peut-être le destin. Et du coup, on allait visiter et ça a été une évidence. Et j'imagine que gérante, ça implique pas mal de responsabilités. Il faut être peu de partout. Oui, il faut gérer tout. Il faut être multitâche. On est autant maçon que architecte, que décoratrice. On gère tout, on fait la comptabilité, tout. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est passionnant. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites ? Le contact avec les gens. Leur apporter un petit bout de bonheur, en fait, quand je les vois heureux et puis qu'ils passent du bon temps au manoir. C'est le plus beau des cadeaux et surtout leur retour positif. Est-ce que vous avez des personnes qui travaillent avec vous ou est-ce que vous travaillez seule ? Je suis toute seule. Il y a mon mari qui m'aide quand il rentre du travail et comme il peut. Mais sinon, je gère tout le temps toute seule. Et vous envisagez de prendre quelqu'un par la suite ? Peut-être. On ne sait pas trop pour le moment. C'est vrai que je suis assez maniaque et j'aime bien tout contrôler. Donc, ça risque d'être difficile. Mais sinon, peut-être par la suite, ouais, si vraiment ça marche bien, pourquoi pas avoir quelqu'un qui me soulage de temps en temps. Et c'est quoi le mystique manoir créateur des dames ? Donc, parce qu'en fait, à la base, je suis créatrice. Donc, je rénove tout ce qui est anciens meubles, éléments de décoration, ces choses-là. Et je vais l'intégrer par la suite aussi au manoir. Donc ça, c'était pour le pseudo. Et puis sinon, l'ancien mystique manoir, c'est parce que j'aime tout ce qui est porté sur un peu le mystique, les choses un petit peu d'antan. Et le deux dames, en fait, c'est le nom de mes ancêtres, qu'ils étaient des nobles. D'accord. Donc c'était la particule qu'ils avaient, et puis j'ai voulu leur rendre hommage un peu avec ça. Et vous pouvez nous raconter un peu leur histoire ? Alors je sais pas tout exactement, mais en gros c'était des nobles du côté maternel. Et quand il y a eu la guerre, ils ont vendu leurs particules pour pouvoir être justement dans la rébellion et puis pouvoir s'en sortir et pas mourir. Et après ils ont pas mal déménagé, ils étaient de Paris. Et mes grands-parents après sont venus en Alsace. Et c'est comme ça que ça s'est fait et que je sais qu'on avait cette particule-là. Et comment vous avez découvert ça ? Vous avez fait les arbres généalogiques ? C'est un peu à la mode en ce moment. Non, pas encore. J'aimerais bien pour savoir exactement jusqu'à où ça remonte. Mais c'est beaucoup mon grand-père qui m'en a parlé par la suite. Il se livrait un peu plus quand il était âgé. Et puis il nous a expliqué que justement, avant qu'il y ait la guerre et avant que lui aussi fasse la guerre, il était de famille noble. Et il se trouve où le mystique manoir des dames ? Donc il se situe à la sortie de Ventron, en direction de Cornimont. Il est juste en face de l'ancienne, comment ça s'appelle ? L'entreprise de textile. Et en fait, il est juste là, on le voit bien, quand on arrive de la route. Et vous avez dû faire pas mal de travaux depuis que vous y êtes ? Oui, oui, oui. On savait déjà qu'il y avait beaucoup, beaucoup de travaux, mais en plus de ça, il y a eu pas mal de vis cachées. Et du coup, on a décidé de faire tout nous-mêmes, tout à l'ancienne, en respectant un maximum tout ce qui était naturel et surtout l'histoire d'antan du manoir. On essaye vraiment de tout refaire comme c'était en 1900, avec notre style à nous quand même. Mais on essaye que ce soit vraiment de plus en plus clean et puis en étant de plus en plus écologique aussi, parce que c'est important. Et c'est quoi le profil d'âge des personnes qui viennent vous voir, la tranche d'âge à peu près ? Ah, ça va se situer entre 25 et 55 ans plutôt. Oui, surtout pour les chambres d'hôtes. Après, au salon de thé, c'est vraiment diversifié. En fonction du thème, on va avoir des plus jeunes ou des plus anciens. Ça dépend de ce qu'on propose pendant les événements aussi. Souvent, c'est des familles. Des familles ou après, sinon, on a beaucoup de couples d'amoureux. Et vous avez aussi des entreprises, des séminaires, des anniversaires, etc. On a eu 3 anniversaires cette année déjà, avec des thèmes aussi. Et puis, on fait aussi des bons cadeaux. Donc, souvent, on regarde avec les entreprises par la suite pour qu'ils puissent proposer ça à leurs employés. Et on a eu un séminaire d'une entreprise qui a besoin de faire une réunion. Et puis, du coup, ils sont venus au manoir. Et une demande en mariage aussi, je crois. Oui, on peut faire des demandes en mariage, oui. Oui, on organise tout en fait de A à Z. Comme tous les événements, on prépare tout et les personnes arrivent et profitent du moment. On fait en fonction de ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils ont envie d'avoir. Au niveau des repas aussi, on fait attention s'il n'y a pas d'intolérance, s'il n'y a pas d'allergie, ce genre de choses. Et on leur programme tout avec eux et le jour J, ils ont juste à profiter. Et ça doit prendre du temps de faire ça parce que vous mettez beaucoup de temps pour le faire et puis pour finalement que l'événement il dure peut-être 5-10 minutes, la demande en mariage, etc. C'est ça. Oui, ça prend beaucoup de temps. Mais ce qui prend le plus de temps, c'est les anniversaires surtout. Parce que ça nous prend bien une bonne semaine vu qu'on fait absolument tout maison, on fait en fonction de la saison et on essaye de faire le plus souvent au local. Donc ça prend bien une grosse semaine de préparation. Tout ce qui est en amont aussi pour choisir le thème, savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. C'est du boulot. Mais après, quand on voit le résultat, c'est du pur bonheur. Et faut pas des imprévus, parce que s'il y a des personnes qui finalement viennent plus, ça fait qu'il y a un peu trop à manger. S'il y en a qui viennent, qu'il y a d'autres personnes qui arrivent, il n'y a pas assez. Ouais, bon, on prévoit des contrats pour ça, justement. D'accord. On met en place des contrats, bon, parce qu'on est aussi limité au niveau des personnes. Donc, on prévoit un petit peu ça. Et puis, on se débrouille s'il y a des imprévus, mais c'est vrai que c'est mieux quand il n'y en a pas. Nous allons faire une première pause musicale avant de continuer de parler du manoir. On vous laisse avec Pentagoniste et leur titre Alléluia. Tout de suite sur Radio Gémozo. There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Julia. Alors, lorsque vous m'aviez contacté, vous disiez que vous êtes passionnée par les pierres, l'histoire et le savoir-faire d'antan. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, depuis toute petite, j'ai toujours aimé les grandes bâtisses, les manoirs, les histoires un peu anciennes. Et je me suis toujours plongée et en découvrant celui-là, j'ai été automatiquement attirée par son histoire, par son architecture. Et du coup, on essaye de mettre ça aussi en avant au manoir. Finalement, est-ce qu'on peut dire que vous faites du neuf avec du vieux avec le manoir ? Vous faites des travaux tout en gardant l'histoire ancienne, en fait ? Oui, pour nous, c'est très important, oui. On essaye aussi beaucoup de faire de la récup, du seconde main, de restaurer d'anciennes choses. On évite au maximum d'acheter du neuf, sauf qu'on n'a pas le choix. Mm-hmm. Mais sinon, on essaye vraiment de ramener l'histoire au maximum au manoir avec des meubles typiques de 1900, de la tapisserie pareille. On essaie vraiment de créer une atmosphère particulière. Est-ce que vous avez gardé, ce qui est resté par exemple dans le manoir, certains meubles ou que vous avez gardé ? Oui, on a fait au maximum pour tout garder. Bon, il y a beaucoup qui a été arraché, c'est un petit peu dommage. On a appris qu'il y avait des anciennes salles de bain en marbre, beaucoup plus de moulures, des Karloff anciens de presque 2,50 m. Donc tout ça a été malheureusement enlevé. Mais on essaye de remettre au fur et à mesure un petit peu tout et le peu qui reste, on y restaure. On a gardé de très très grandes armoires qu'on a complètement démontées et complètement recréées de A à Z. Et on y a mis un peu notre touche à nous et on en voit une justement dans le salon de thé. Et vous les trouvez où par exemple les vieux meubles comme ça chez des collectionneurs ou... Alors je chine beaucoup. Ça fait bien 15 ans que je chine un petit peu partout. On a des amis un peu partout en France aussi qui nous aident à trouver... ce qu'on cherche quand on a des choses très particulières, des demandes particulières, où il y a des gens qui aiment beaucoup nos projets et qui nous offrent certains meubles qu'on cherche. Alors j'imagine que le manoir est chargé d'histoire depuis sa création en 1900. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Donc ça a été d'une famille, donc il a été créé en 1900 par une famille qui s'appelle la famille Germain. Ils ont créé un petit peu le village avec l'usine de textile qui est justement en face de chez nous. Donc ils faisaient un peu travailler tout le village et ça s'est un petit peu transmis avec les années. Et puis il y a un peu plus de 25 ans, le papa a vendu le manoir à une entreprise. Et par la suite, il a été transformé en bureau. Donc, c'est là où il a été détérioré à son maximum, malheureusement. Et nous, en passant devant, on a décidé de le sauver, de le racheter. Sur votre page Facebook, il est écrit que vous voulez donner à chaque pièce son caractère, sa beauté et son authenticité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Oui, pour nous, c'est important. De chaque pièce, on considère qu'elle a un petit peu une âme. Alors, quand je suis arrivée dans le manoir, on a un petit peu fait le tour pendant plusieurs jours pour savoir quelle pièce allait... avoir sa fonction et on essaye de lui donner à chaque fois un thème particulier, une originalité, qu'elle a du sens en fait et un peu comme une petite énergie d'une certaine façon, on veut que les gens s'y sentent bien et puis voyagent au fil des pièces et prennent du plaisir à être chez nous. Et il y a combien de pièces en tout dans le manoir ? Oh, beaucoup trop. C'est vrai que j'ai pas compté mais je crois un peu plus de 20, ouais. Ça doit être pratique pour faire le ménage. Non, pas pratique, mais... ça prend 3 jours, c'est ça ? C'est ça. Rien que les pièces restaurées, j'en ai déjà pour 6-7 heures, ouais. Ah ouais ? Donc, quand le reste sera fait, je pense qu'il faudra une bonne semaine. Avec le petit aspirateur qui passe tout seul c'est et qui lave. C'est ça, il faudrait des compagnons automatiques. Est-ce que toutes les pièces ont un thème personnalisé ? Oui. On a l'espace petit déjeuner qui fait également salon de thé, c'est surtout l'univers de Disney, parce que j'ai baigné dedans depuis toute petite et ça m'accompagne encore maintenant. Après, dans les autres pièces, on a fait vraiment dans le style manoir 1900. Dans la première chambre d'hôte, on a un style un peu urbex, photographie, ça donne un peu un hommage au papa à mon mari, qui faisait pas mal de photographies, et nous, on faisait énormément d'urbex, donc on a retressé ça là-dedans. Et la seconde pièce qui est en train d'être faite, enfin la deuxième chambre, qui sera en fait en hommage à mes ancêtres, justement, les deux dames, qui sera dans le type manoir gothique un peu baroque, des années 1900. L'espace de repos est un peu plus dans l'esprit cocooning nature, parce qu'on est vraiment très très nature, on aime beaucoup ça. Et au fur et à mesure, dans chaque pièce, on crée un univers particulier. Quand vous me dites manoir de 1900, je sais pas pourquoi, ça me fait un peu penser à l'univers de Tim Burton dans les dessins d'animation, etc. C'est ça. Alors, vous faites des chambres d'hôtes. Qu'est-ce que c'est ? Donc, chambre d'hôtes, c'est que donc déjà, on vit dans le lieu et on accueille des personnes pour qu'ils puissent y passer une nuit. Et en fait, ils ont l'espace prévu donc dans la chambre avec salle de bain qui est juste à côté. On a le petit déjeuner qui est inclus, donc tout est fait maison. Et en fait, on s'adapte en fonction des personnes. Donc, ils peuvent arriver à partir de 15h. Et puis après, le matin, ils peuvent faire des grasses mats ou se lever tôt. On peut leur organiser aussi des programmes quand ils sont là sur plusieurs jours. Ça, c'est quelque chose qu'on nous demande de plus en plus. Quand les gens sont là pendant 3-4 jours, ils aiment bien qu'on leur organise un petit peu leur journée. C'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. Et puis aussi, chambre d'hôte, ça permet de faire aussi les tables d'hôte. Donc, ils prennent le repas le soir avec nous. Là aussi, tout est fait maison, et puis en fonction de la saison et des envies des personnes, pareil, s'il y a des allergies ou pas, on s'adapte. J'ai vu que vous étiez répertorié sur le site Airbnb, c'est quoi ? Oui, donc c'est une plateforme où on regroupe pas mal tout ce qui est logement, justement, les gîtes, les chambres d'hôtes. Il n'y a pas beaucoup de chambres d'hôtes, mais justement, ça permet d'avoir une petite visibilité et que les gens puissent réserver partout en France ou même ailleurs. Parce qu'on a des personnes qui ont pu nous découvrir justement au Danemark, aux Pays-Bas, en Allemagne. Donc c'est plutôt chouette. Est-ce que vous acceptez les animaux ? Non, non, non. C'est un lieu, en fait, que pour les adultes. Ça peut paraître un peu bizarre sur le coup, mais on fait uniquement pour les adultes. Et pareil, pas d'enfants, pas d'animaux. C'est un concept qu'on a voulu faire parce que déjà, les animaux, c'est compliqué suivant s'il y a des personnes allergiques ou pas qui viennent derrière. On veut pas qu'elles soient mal derrière. Et puis, on a eu beaucoup, beaucoup de monde qui appréciait justement le fait que ce soit très calme, reposant, que les gens aimaient se ressourcer. Et on s'est rendu compte que beaucoup de couples venaient sans les enfants aussi, parce qu'ils appréciaient ça. Et du coup, on a mis ce concept en place et c'est vrai que ça plaît beaucoup. Ça doit leur faire bizarre aux parents de ne plus entendre de bruit comme ça. Ça doit être reposant, mais en même temps, ils sont tellement plus habitués que... Beaucoup ne peuvent pas repartir. Donc, c'est bien pour nous, c'est que ça fonctionne bien, mais du coup, ils ne veulent plus repartir. Et comment est-ce que vous êtes fait connaître ? Est-ce que c'est par rapport au bouche à oreille ou beaucoup par les réseaux sociaux ? Au début, c'est beaucoup le bouche à oreille. C'est vrai que vu qu'on a pas mal déménagé un peu partout, on a de la chance, on a des amis qui sont autant de Lyon, de Bretagne, d'Alsace, qui se sont pas mal regroupés et qui nous font beaucoup de pubs. Donc on a de la chance d'avoir des amis très soudés et qui se donnent à fond pour qu'on puisse se faire connaître. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus au manoir et qui reviennent ? Oui, oui, oui. Je pense que vous avez accueilli déjà Simple comme elle, qui est de Rémy Remont. Elle est venue une fois et elle est revenue une deuxième fois aussi en chambre d'hôte et elle vient régulièrement au salon de thé. On fait un petit coucou à Leïla. Là, vous faites également un salon de thé, c'est quoi ? Est-ce que tout le monde peut venir dans un salon de thé ? Ah oui, tout le monde peut venir. C'est ouvert une fois par mois, en fait, on le fait mensuel, avec à chaque fois un autre thème qu'on programme. En fait, on a tout un programme sur un an et les gens peuvent voir un petit peu à chaque fois quel mois il y aura un thème avec les dates. Et à ce moment-là, je cuisine en fonction du thème. Et il y en a un qui va bientôt se passer, je crois. C'est ça, c'est ce week-end. Et c'est quoi le thème ? Le thème, c'est Salem City. Donc, on reprend un petit peu ce qui se passe à Salem pendant Halloween et avec les pâtisseries un petit peu de là-bas, avec de la citrouille, de la cannelle, toutes les bonnes choses qu'on aime bien à Halloween. Salem, c'est pas l'histoire des sorcières qui se font brûler sur la place publique. Ça. Et au Massachusetts, il y a justement la ville de Salem. Et tous les ans, justement, il y a des gens qui se regroupent pendant des semaines là-bas pour faire toutes les festivités de Salem. Quand vous dites Salem, il y a aussi, on pense aussi à Halloween et ça approche vraiment à grands pas. On est vraiment très proche là. Est-ce que vous organisez quelque chose pour cette occasion ? Oui, on organise un événement spécial pour Halloween. Donc les gens peuvent réserver, c'est jusqu'à 15 personnes. Où on fait tout un repas sur le thème d'Halloween avec aussi des petits défis, des énigmes à résoudre. Et après, il y aura sûrement une petite chose à gagner. Et comment est-ce qu'il faut réserver ? Il suffit de nous contacter soit par les réseaux sociaux ou par mail. Et puis après, en fait, ils font le prépaiement. Et puis le soir même, ils n'ont plus qu'à venir. On leur donne la date avec l'adresse. J'imagine que vous avez tout misé sur la déco, mais est-ce que chaque pièce est différente ou... On a fait uniquement pour l'instant ce qui était restauré. Mais c'est vrai qu'on a essayé de mettre le paquet. Alors j'ai lu aussi sur votre page Facebook qu'il est possible d'offrir des chèques cadeaux. Oui, c'est arrivé déjà plusieurs fois où... Ils savent que les personnes sont amoureuses un petit peu du lieu ou aiment les pierres anciennes. Et on nous contacte justement pour faire des bons cadeaux. Donc les gens payent le bon cadeau suivant s'ils veulent réserver par exemple un salon de thé, une nuitée avec table d'hôte. Et puis nous, on leur envoie le bon cadeau soit qu'ils offrent ou soit que nous, on envoie par lettre un petit peu à l'ancienne qu'on offre directement à la personne. Est-ce que vous envisagez de créer encore d'autres espaces dans le manoir, d'autres chambres par exemple ou un espace commun ?

j'étais salaud. Il paraît qu'aujourd'hui ma jupe est bien trop courte, mes idées aussi. Il n'est plus jamais dupe du balancement de mes cuisses, maquillée comme une pute. J'ai perdu son estime, je vais finir empaillé dans la chambre du bébé. Il m'a pris la main pour me la demander. J'ai sauté dans le grand bain sans trop savoir nager. J'ai sauté dans un train sans aucun passager. On n'est pas clandestin si on n'est pas contrôlé. Mon cœur m'a dit lève-toi, mon corps m'a dit tire-toi. Stand up and leave, stand up and leave your life. Mon cœur m'a dit lève-toi, mon corps m'a dit tire-toi. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Julia. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur l'application Les Radios Associatives ou en streaming via le lien affiché sur notre page Facebook ou via leur transistor ou leur autoradio sur le 107. Alors Julia, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux ? Alors, Alléluia, c'est une chanson qui nous a accompagnés, moi et mon mari, depuis pas mal d'années. Autant dans des périodes de joie que de tristesse. Et c'est vrai qu'elle a marqué pas mal de grands changements dans nos vies. Donc c'est une qu'on affectionne beaucoup. Ensuite, il y a celle de Christina Aguilera. Donc c'est pile poil dans la bonne période d'Halloween. C'est une musique que j'aime beaucoup et une chanteuse que j'écoute depuis que j'ai 14-15 ans. C'est pareil, elle m'a beaucoup accompagnée. Et puis c'est une femme que j'apprécie beaucoup parce qu'elle met beaucoup la femme en avant. Donc c'est plutôt pas mal. Et la chanson, je trouvais qu'elle collait bien. Et Kyo, bah c'est pareil, ça m'accompagne depuis que je les connais, depuis leur premier album. Et d'où cette musique aussi qui me tient beaucoup à Pam par rapport aux femmes battues et tous ces sujets-là qui me touchent beaucoup. Donc voilà, c'est des musiques qui ont été une évidence pour moi. Et la chanson Alléluia, ça parle de quoi ? Je me suis toujours posé la question parce que j'ai un niveau d'anglais extraordinaire. Mais... Alors j'avoue qu'il n'est pas très bon non plus. Mais c'est vrai que c'est vraiment plutôt... j'ai l'impression que pour moi, c'est plutôt un hymne. Qui m'aide à avancer et qui est très parlant pour moi. Et ma grand-mère était très religieuse et souvent je l'associe un petit peu à ça, le Alléluia. Donc ouais. Et puis on l'a mis aussi pour notre mariage, où on avait toute la famille encore, donc c'est vrai qu'elle est très importante. Et la chanson de Christina Aguilera que vous avez choisie, c'est pas tiré d'un film genre La Famille Adams ? Si, c'est ça. Et vu que j'aime beaucoup ici La Famille Adams, c'est parfait. Est-ce que vous regardez la série Mercredi ? Tout le monde ne voit que par ça, j'ai pas regardé moi. Vous avez pas regardé encore ? J'ai peur d'avoir peur. Il est génial. Non, il fait pas peur. Il fait pas peur, mais il est vraiment très très bien. C'est quoi l'actualité du Mystique Manoir des Dames ? Qu'est-ce que vous avez prévu, par exemple, pour Noël, etc. ? Alors là, en fin d'année, donc, déjà ce week-end, on a le salon de thé sur le thème de Salem. Le 31 octobre, on a l'événement pour Halloween, avec un repas, justement. Donc, c'est un événement privatif. Au mois de novembre, on a le 18 et 19 novembre, il me semble, c'est l'inauguration du manoir. Ça fera 3 ans qu'on l'a. Et donc on inaugure le manoir, donc tout le monde peut venir, il y aura une visite guidée où on raconte un petit peu l'histoire. Il y aura également pendant tout le week-end le salon de thé et le samedi soir il y aura un événement privatif aussi avec un repas. Et on dévoilera normalement si tout se passe bien la deuxième chambre. Et après en décembre c'est pareil, pendant un week-end, je crois que c'est le 8 et 9 décembre, il y aura justement le salon de thé avec un événement privatif et toute la déco d'Halloween. Quand on parle Noël, moi j'ai un incontournable, c'est le Grinch ou le drôle de Noël de Monsieur Scrooge. On va essayer d'intégrer du Grinch justement cette année parce que pareil, on adore le Grinch et puis c'est typique de la période de Noël pour nous, donc ouais, on va le mettre. Quels sont vos futurs projets avec le manoir ? Alors l'année prochaine, on aimerait s'occuper un peu de l'extérieur. On va essayer de créer des petits espaces également pour les clients et aussi pour nous. Parce que par la suite, on aimerait devenir autonome. Donc tout ce qui est légumes, fruits, donc on va commencer tout doucement à mettre ça en place. Et puis au fur et à mesure, je pense qu'on en a encore pour 15 ans, mais continuer à restaurer le manoir. Et puis d'ici 5 ans, il faut absolument qu'on refasse la toiture en entier. Donc on va se donner les moyens d'y arriver et de faire vivre ce lieu au maximum. Vous faites de la restauration depuis 3 ans, vous pensez finir quand ? D'ici 20-25 ans. Ah oui, quand même. Ouais, il y a énormément de boulot, il y a beaucoup de surface. Et vu qu'on fait absolument tout nous-mêmes, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'on essaye de faire les choses bien sans que ce soit trop chimique et tout ça. Donc, c'est vrai que ça prend du temps. 3 ans, ça doit être assez intense. Oui, c'est du non-stop. C'est du non-stop. Une journée typique, ça va être, on va dire, soit de 6h à 20h ou de 9h à minuit. On essaye de faire ça. Et entre-temps, on jongle aussi avec les clients pour pas qu'ils voient comment que ça se passe. Donc pour que ça reste agréable, donc on essaye de jongler en même temps avec ça. Donc depuis 3 ans, vous avez oublié le mot repos et grasse mat de votre vocabulaire. C'est ça. On n'a absolument plus de vie. Mais c'est un réel bonheur quand même. On ne regrette pas d'avoir fait ce choix-là. Est-ce que vous envisagez par exemple de travailler avec d'autres associations ou d'avoir des partenaires pour promouvoir vos événements ? Oui, ouais, ce serait vraiment le but. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de s'y pencher parce que pendant 3 ans, on n'a fait que ça, que des travaux. Mais c'est vrai que maintenant, tout doucement, on commence à promouvoir un peu le manoir. On aimerait vraiment qu'il y ait surtout des associations pour les femmes ou ce genre de choses. Créer des événements particuliers avec d'anciennes voitures ou des... Vraiment créer quelque chose d'unique à chaque fois avec des thèmes un peu divers pour que ça puisse plaire à tout le monde aussi. Que les gens puissent découvrir justement les associations, les partenariats et notre manoir. Et faire vivre un petit peu tout ça, ouais. Alors j'ai vu sur votre page Facebook, vous étiez pas mal affichée par exemple devant des enseignes, etc. Que vous remerciez les gens qui partagent un peu... Ouais, parce que pour nous c'est important, ils font pas comme partie de la famille mais presque... Parce qu'ils se démènent pour qu'on fonctionne. On sait que souvent, ils sont venus au manoir et qu'ils ont eu un coup de cœur. Et pour nous, c'est important de remercier à chaque fois les gens qui nous soutiennent, qui nous aident, qui partagent, parce que c'est ça qui fait aussi évoluer le manoir. Donc, comme je dis, sans tous ces partages, sans tous ces likes et tout ça, on ne pourrait pas être vus. Donc, c'est un peu grâce à eux qu'on grandit petit à petit chaque mois. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent juste parce que le lieu est chargé d'histoire ? Est-ce que vous organisez des petites visites ou faites un peu le guide comme ça ? Dans cette pièce-là, il s'est passé ça. Dans le manoir, voici l'histoire. Pas encore, l'histoire. Mais ce serait envisageable. Ouais, c'est vrai que... Et puis les gens viennent, oui, pour l'histoire du manoir. Et puis souvent, la première chose qu'ils demandent, c'est « Est-ce qu'il y a des fantômes le soir ?» C'est la première question que je poserais aussi. Donc on les laisse découvrir. Ils ne dorment pas sur leurs 2 oreilles. Cette expression m'a toujours... Ouais. Comment on peut dormir sur les 2 oreilles ? Ouais. Même en les étirant, c'est pas possible, je crois. C'est ça. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux ? Oui, on peut nous retrouver sur Facebook, Instagram. Prochainement, on va se mettre aussi sur TikTok. Et puis, par mail également, on peut nous retrouver. On peut venir nous contacter facilement, oui. Avec en musique de fond, la musique de la famille Adams sur TikTok. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et pour le manoir ? Que ça fonctionne, que les gens viennent et passent de très bons moments, oublient un petit peu leurs soucis et qu'au fur et à mesure ça se développe et que ça fasse plaisir aux gens surtout. Mm-hmm. C'est notre but principal, c'est que les gens passent du bon moment, qu'ils profitent, qu'ils déconnectent un petit peu et qu'ils repartent du manoir ressourcé. Ça c'est notre plus beau cadeau. J'espère que via cette interview, vous allez avoir plus de demandes. On l'espère. Alors cette émission est maintenant terminée. Julia, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous surtout. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. Avec grand plaisir, c'était génial. Avec Et puis on nouvelles. Espère que vous viendrez au manoir. Peut-être pas Halloween, mais non. Pour Noël. Peut-être Noël, s'il y a moyen. Je sais pas, faut voir. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.